France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Lequel de ces albums préférez-vous ? Vous devez bien avoir une préférence, by Jove, vous les avez tous lus. Le secret de l'Espadon, le mystère de la Grande Pyramide, la marque jaune, l'énigme de l'Atlantide, SOS Météore, le piège diabolique, l'affaire du collier et les trois formules du professeur Sato. Bref, les aventures de Black et Mortimer, inventées, scénarisées et dessinées par Edgar P. Jacobs. Et puis, Edgar P. Jacobs est mort. Et puis, il y eut les trois formules du professeur Sato, deuxième tome, dessiné par Bob Demore, et puis la suite des aventures, écrite et dessinée par d'autres artistes depuis plus de 10 ans. L'affaire Francis Blake, la machination Voronoff, l'étrange rendez-vous, les sarcophages du sixième continent, le sanctuaire du Gondwana. Là également, vous avez vos préférés. Peut-être le dernier opus, La malédiction des 30 deniers, signé Jean Van Ham, René Stern et Chantal de Spiegler. Une aventure dans le respect de la tradition publiée aux éditions Black et Mortimer. L'occasion pour nous de réentendre une série de Jean d'Ève réalisée par Jean Couturier, un opéra de papier. Tout de suite, le premier rendez-vous où seront évoqués l'Égypte, la marque jaune, Paris et sa banlieue sud, sud-ouest et le temps détraqué. Et où, bien entendu, vous pourrez entendre la voix d'Edgar P. Jacobs lui-même. Première diffusion sur France Culture, le 1er août 1987. Le coup d'envoi donc, du dessin, ça se situe en cinquième année. À ce moment-là, dans ce cours, on donnait pour la première fois un cours d'histoire, avec un grand H. Et je dois dire que pour moi, l'histoire, c'était une découverte, une chose fabuleuse. Enfin, je me suis immédiatement imaginé l'histoire comme une sorte de grande scène sur laquelle se dérouleraient donc des événements étonnants, une véritable fresque donc de tableau. Et ça m'a incité donc à dessiner. Je sais pas, j'avais un sujet, en somme. Et en plus de ça, le professeur titulaire de la classe était un type assez curieux et sympathique. Non seulement il aimait l'histoire lui-même, mais il aimait le dessin. Il nous poussait donc à dessiner, à illustrer nos cahiers et... C'est lui qui avait eu cette idée mirobolante et qui allait avoir des suites pour moi. Il nous avait conseillé de débuter ce cahier par une sorte de frontispice. Comme ça. Et il disait, vous pourriez faire, et il suggérait donc un sujet, une charte, n'est-ce pas, avec un cachet, et alors école, numéro, votre nom, etc. Et il nous avait donné 2-3 trucs qui, pour moi, évidemment, ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On obtenait donc le vieillissement d'une charte en la trempant dans le café ou en la passant au café. Alors moi, j'ai commencé à faire des chartes partout et ça m'avait donné alors l'idée ambitieuse de réaliser un ensemble de planches représentant les principaux événements historiques, donc depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, et tout ça serait réuni donc dans une farte, en somme. Donc, vous voyez, je voyais les choses en grand. Seulement, j'ai dû faire, pour commencer cet ouvrage, il me fallait un frontispice. J'ai fait donc un frontispice. Et puis, pour finir, il s'est fait que je n'ai jamais dépassé ce stade, mais j'ai par contre fait une demi-douzaine de frontispices. Mais l'histoire universelle n'est jamais sortie. En fait, je n'ai jamais parvenu à en faire quelque chose. Edgar P. Jacobs, un opéra de papier. L'auteur des aventures de Blake et de Mortimer est considéré avec Hergé et Milton Caniff comme le maître de la bande dessinée que Jacobs a élevé au rang d'art. Souci de la narration, justesse, clarté du dessin, innovation des harmonies colorées, suspense, découpage singulier, tout cela compose les 9 récits que Jacobs nous laisse, du secret de l'Espadon aux 3 formules du professeur Sato. Né à Bruxelles en 1904, mort au Bois des Pauvres en 1987, Edgar P. Jacobs découvre l'histoire, puis l'opéra, ensuite le théâtre, rencontre Hergé et le monde de la bande dessinée, auquel il applique son expérience de l'histoire, de l'opéra, du théâtre. En 1946, paraissent dans le journal Tintin les premières aventures de Blake et de Mortimer, avec le secret de l'Espadon. L'histoire, très documentée mais toujours au bord d'une réalité mythique, inaugure une œuvre magistrale que Edgar P. Jacobs devait nous raconter dans son livre de souvenirs, publié en 1981, Un opéra de papier. Jacques Tardy, vous avez entre autres dessiné la couverture du livre de Jacobs, Un opéra de papier. C'est donc il y a entre vous un lien peut-être. Entre Jacobs et moi, je pense qu'au départ il y a une séduction, il y a une influence, il y a surtout une rencontre. Je crois qu'il faut... pour parler de Jacobs, dans le cadre de la bande dessinée, surtout voir à quelle époque tel ou tel auteur a pris connaissance de Jacobs, l'a rencontré finalement. Moi, je devais avoir 12 ou 13 ans. Je connaissais déjà Hergé. Je crois que le premier album de bande dessinée que j'ai eu entre les mains devait être Alix l'Intrépide, Corentin chez les Ports Rouges, etc. Donc il y avait eu les Tintins avant quand même, qu'on m'avait offert dans le désordre, le tome 2 avant le tome 1, etc. Et puis Jacobs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire que je vais passer des heures devant chaque dessin, devant chaque case, devant la couverture, et regarder comment ça fonctionne. C'est peut-être pas exactement ça la démarche au départ. Je vais pas vraiment essayer de percevoir comment fonctionne l'enchaînement d'une image à l'autre, mais il y a une telle séduction que je vais quand même passer énormément de temps devant chaque image de Jacobs. Alors, je crois que le premier point de séduction, c'est que, ayant eu Tintin, qui évidemment avait fonctionné et m'avait séduit, ayant eu ensuite Martin avec son dessin un petit peu raide, Cuvelier, quand même un autre dessinateur, Corentin chez les Poroux, je connaissais pas les deux autres Corentins d'avant. C'était déjà une énorme différence entre Cuvelier et Jacques Martin. Jacobs intervient différemment. Il n'a rien à voir avec ces trois auteurs, Hergé, Martin, Cuvelier. Son dessin peut s'apparenter à celui d'Hergé, mais à mon avis, il est beaucoup plus considérable, beaucoup plus intéressant qu'Hergé. C'est un côté réaliste que n'a pas Hergé. Les personnages sont tels que je les perçois à l'époque, en dehors des canons des personnages tout à fait traditionnels de la bande dessinée, c'est-à-dire profil grec, menton carré, etc. Alors on a Mortimer, qui à mon avis est le personnage préféré de Jacob, c'est celui qu'on voit le plus à mon avis, qu'il a dû le plus dessiner. C'est un petit gros barbu, c'est un scientifique, c'est pas un journaliste, c'est pas un policier, c'est pas un pilote de voiture, de course ou d'avion. Blake, j'avoue que Blake m'a jamais séduit totalement. Bon, il est en uniforme, c'est une espèce de flic ou je ne sais quoi. Enfin bon, il travaille au service secret et tout. Il remplit son rôle, mais c'est pas le personnage que je préfère. Et surtout Ulrich, qui est le plus séduisant parce que c'est un personnage qui a une classe extraordinaire, qui est à l'aise en uniforme, qui est à l'aise en voyou, qui va pratiquer avec beaucoup d'aisance l'art du déguisement, qui est cynique et qui surtout veut la peau de Blake et Mortimer. Et comme le disait Hitchcock, si le méchant est réussi, le film est réussi. Bon, donc je pense que Ulrich est très très bien à ce niveau-là. Et c'est Ulrich mon préféré, mais bon, malgré tout, c'est quand même Mortimer qu'on va voir le plus. Je pense que Jacobs éprouve un plus grand plaisir à dessiner Mortimer que les deux autres. Puis en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que entre Blake et Ulrich, il y a très peu de différences, hein. Évidemment, le gentil est blond, le méchant est brun, le méchant a une petite moustache, etc. Enfin, physiquement, ils sont assez proches. Et moi, je regarde ces personnages comme ça, avec ce dessin qui est très précis, j'ai l'impression par moments que le compas intervient pour tracer certains profils de personnages. Alors, il y a à la fois une espèce de dureté graphique, de précision, et puis un aspect humain dans les personnages, dans la façon dont ils sont étudiés, dont ils se comportent, dont ils dialoguent, même si avec le recul ça nous paraît un petit peu ridicule, parce qu'on a retenu évidemment les choses les plus simples de Jacobs, les expressions anglo-saxonnes, etc. Et malgré tout, ils ont un comportement humain, ce qui n'est pas le cas de Tintin, par exemple. Bon, on est donc en dehors de ces personnages stéréotypés. Alors, peu importe leurs préoccupations. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, les espèces de spéculations pseudo-scientifiques ou je ne sais quoi, m'intéressent que dans la mesure où elles sont un support à l'image. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Les histoires par elles-mêmes, C'est quand même un art de l'histoire. Ah, bien sûr, mais alors précisément, l'histoire par elle-même, valait-elle la peine d'être racontée? À la limite, on n'a pas à se poser cette question. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont elle est racontée. Bon, moi je pense que tout a été raconté, on fonctionne avec deux, trois grands thèmes qui reviennent toujours sur le tapis, peu importe l'époque à laquelle on situe l'histoire, ce qui nous intéresse c'est la façon de la raconter, et c'est à ce niveau-là que Jacobs excelle, je veux dire, parce que ces histoires sont carrées, rien n'est laissé au hasard, tout fonctionne impeccablement, et ça je l'ai compris par la suite, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à envisager de faire de la bande dessinée, et surtout à partir du moment où j'ai commencé à en fabriquer, parce que je considère que la bande dessinée est une sorte d'artisanat, etc., et où la construction d'une histoire, la façon petit à petit d'évoluer et de faire vivre les personnages, et plus envisager, puisque l'image intervient, qu'on est en porte-à-faux entre un certain texte, une certaine image, etc., je veux dire, il faut mettre toutes les chances de son côté, ne rien laisser au hasard. C'était un sujet qui me tenait à cœur. J'ai toujours été fasciné par la civilisation égyptienne et par l'art égyptien. Et j'avais fignolé un scénario qui traitait de ce sujet peu connu à l'époque, ou peu, dont on parlait peu, qui était celle du roi hérétique Amenophis IV, qui a eu donc... un règne fulgurant mais éphémère, et qui était donc le pharaon qui avait essayé de créer une religion monothéiste à cette époque-là, ce qui était extraordinaire. Et j'avais donc fait un synopsis très soigneusement travaillé qui me permettait de me servir de ce décor prestigieux du plateau de Giza avec les grandes pyramides, la pyramide et les deux autres, ainsi que le Sphinx. Alors, quelles étaient les questions au fond très précises de Jacob ? Tout. Alors, comment vivent les gens ? Comment ils s'expriment ? Comment on dit telle chose en langue arabe ? Il avait sorti un questionnaire très bien fait. Et pendant des heures et des heures, nous nous rencontrions au café du rond-point des Champs-Élysées qui est devenu depuis le drugstore. Et là, pendant des heures, je répondais à ces questions. Cérès Vissavassef. Ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était la précision et le côté incisif. De ces questions. Hein. Puis il voulait tout savoir et il ne voulait pas savoir simplement, il ne voulait pas du blabla, il voulait quelque chose d'étayé sur des documents. Je cite toujours un exemple que lui-même a donné dans l'opéra de papier. Il m'a dit, j'ai une intrigue qui se passe en partie dans une villa au bord du Nil. Mais moi, il me faut une vraie villa. Alors, je lui dis, bon, ça c'est très facile, nous habitons une villa à bord de l'île, voilà notre villa, je vous la montrerai d'ailleurs, grâce à Philippe Hermé, parce que j'ai un collègue qui s'appelle Hermé, c'est pour ça que je l'ai. Grâce à Philippe, il a d'abord refotographié quand il est venu au Caire la villa, et il m'a refotographié tout l'album, car hélas, elle n'existe plus. Mais il a, dans ses dessins, il l'a reproduite de façon tout à fait exacte. Et poussant l'investigation très loin, il m'a demandé quel était le nom de la rue. Et il l'a inscrite exactement telle qu'elle était. Si bien que tous les jeunes qui ont reçu par la suite le secret de la Grande Pyramide étaient persuadés que l'histoire était vraie. Ils disaient à mon neveu au lycée, la preuve que c'est vrai, c'est que ça se passe dans la maison de ton grand-père, il y a même le nom de la rue. Bon, alors ceci simplement est un exemple pour vous dire la précision avec laquelle il posait ses questions, il étayait ce qu'il allait dire, et vraiment c'est tout à fait remarquable. Et ça, c'est donc la villa de Cérès, donc c'est Mortimer qui retrouve Gross Grabenstein, donc un des héros de l'histoire, un égyptologue et archéologue. Voyez, on peut quand même la décrire un peu, vous qui la connaissez très bien, Cérès. Eh bien, cette villa a été fait, enfin, c'est un architecte français qui l'a faite, qui l'a construite, qui l'a conçue, mais un peu sur les indications de mon père. Il voulait pas du tout une sotte imitation de ce qui se faisait en Europe. Vous savez que l'influence européenne à l'époque était très très très forte sur le pays, mais il voulait quelque chose qui s'adapte davantage à la vie, au climat du pays. Bon, l'architecte français, qui était le meilleur à l'époque, Caire, a adopté un style un petit arabe, si vous voulez, mais plus inspiré peut-être du Maroc que de ce qui se faisait à l'époque. Et Jacob s'est servi entre autres du jardin que l'on voit ici dans l'album, Philippe. Oui, c'est ça. Donc, au fond, d'après les photos qu'il a reçues de Cérès, il a donc reconstitué toute la villa. Enfin, toute la villa, l'extérieur de la villa. Le perron. Donc, c'est l'entrée principale. Parce qu'il y a deux entrées, j'ai vu. Ça, c'est l'entrée principale. Et là, il y avait une entrée, pour les familiers, quoi. Quand on recevait, on pénétrait par cette entrée-là. Et voyez, je vais vous montrer le hall. C'était quand mon père a joué un rôle. Voilà le hall, vous voyez, il a 18 mètres de long, il a 10 mètres de large. Enfin, c'était vraiment la grande ville, car mon père était extrêmement modeste, mais comme il avait été à plusieurs reprises président de la Chambre des députés, il lui arrivait d'inviter les 200 députés à la fois, donc il fallait de la place, c'est pour ça, mais ce n'est pas du tout par ostentation. Qu'est-ce qui se passe entre autres dans le parc de la villa? C'est-à-dire dans le parc de la villa, donc, c'est-à-dire que Mortimer qui va donc au rendez-vous chez Grossgrabenstein, donc dans la villa de Cérès, est invité, mais Ulrich donc a pris la place de Grossgrabenstein et il se trouve donc prisonnier dans cette villa. Et par, disons, pour écourter l'histoire, donc Blake, qui donc dans l'histoire est, se fait passer pour mort, est au fond déguisé en indigène et il prévient la police qui attaque donc la villa pour délivrer Mortimer, qui se trouve prisonnier donc dans la villa de Grossgrabenstein. Et alors, il a donc redessiné donc les jardins qui se trouvent autour donc de la villa. Et on a plus loin même, comme la villa se trouvait au bord du Nil, il y a Ulrich qui s'enfuit, comme il était le long du Nil. C'était très facile pour lui de partir et pour quitter les lieux, quoi. Vous permettez, ceci me fait penser brusquement à quelque chose d'assez amusant. À l'époque où j'ai rencontré Jacobs, mon père était mort. Et je me souviens que j'ai dû lui raconter comment, d'après la Constitution, quand il faut vous dire qu'à l'époque, au point de vue politique, il y avait trois forces. Il y avait les ceux qui demandaient l'indépendance de l'Égypte, l'OAFT, enfin le membre de l'OAFT, ce qui veut dire la délégation qui était partie réclamer ou tenter de réclamer au Congrès de Versailles l'indépendance promise par les Anglais au début de la guerre de 14-18. Il y avait le roi comme puissant, et il y avait les Anglais occupants. Bon, alors c'était un jeu triangulaire. Bon, la Constitution ne convenait pas beaucoup au roi, et il s'appuyait souvent sur les Anglais contre le WAFT. Bon, à une période déterminée, le roi, après les élections, qui donnait toujours une majorité écrasante au WAFT, prend un premier ministre, non pas dans la majorité, mais une poigne de fer, enfin, qui suspend la Constitution et le Parlement pendant un mois. Alors, la suspension, d'après la Constitution, au bout d'un mois, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le Parlement devait se réunir. Et le chef du gouvernement téléphone, écrit à mon père pour lui dire « Je vous autoriserai à vous réunir à une condition, c'est que vous empêchiez qui que ce soit de prendre la parole. Vous lisez les décrets de dissolution et de formation du nouveau ministère, point final. » Et mon père lui a répondu « C'est inconstitutionnel, ce n'est pas dans la Constitution, je ne peux empêcher personne de prendre la parole. » Alors il répond « Bon, très bien, je ferme le Parlement et tant pis pour vous. » Bon, mon père lui a dit « Nous verrons. » Alors notre villa était entourée par la police. Et comment faire pour en sortir? Mon père a eu une idée machiavélique. Il a dit au chauffeur « Tu t'en vas tout seul. La voiture est vide. On va te laisser passer. Et tu vas de l'autre côté du Nil. Tu m'envoies une barque. Je vais enjamber le mur de clôture. Je m'embarquerai. Tu m'attendras à tel endroit. Et comme ça, je pourrai aller au Parlement. » Bon. Et c'est ce qu'il a fait. Je vois encore, étant enfant, je le vois naviguant dans une espèce de petite embarcation terrible. Il débarque de l'autre côté et avant de retrouver la voiture, il marche dans un enterrement, se cache la figure car il était très populaire, il y avait toute sa photo tous les jours dans le journal pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il arrive au Parlement, la rue était fermée par trois cordons de police. Il dit « Bon, très bien, il descend de la voiture ». Les députés et les sénateurs qui arrivaient le suivent. Il arrive et effectivement, les portes étaient cadenassées. Alors, le premier ministre avait oublié une seule chose. C'est que la police intérieure du Parlement ne dépend pas du chef de gouvernement, mais uniquement ou du président du Sénat et du président, ou du, en son absence, du président de la Chambre. Comme le président du Sénat n'était pas là, c'était mon père à prendre l'initiative. Il fait appeler l'officier qui était à la tête de la police, et il lui ordonne de briser les chaînes. Alors, il a brisé les chaînes, le Parlement s'est réuni, évidemment, ils ont dit pique-pan de la dictature, etc., etc. Et je suis sûre maintenant que j'ai raconté cette histoire à Jacobs. D'où D'où l'histoire. Ah oui, c'est ça. Donc tout à fait, il a refait, donc, parce qu'ici, il y a au fond, ici également, donc, Nazir qui part donc, en laissant Blake Mortimer caché, et qui s'en va pour que la police, les motards, suivent donc une fausse piste. Et ainsi, Blake et Mortimer peuvent s'enfuir. Et il y a donc la fuite ici en barque. Donc tout à fait. Et alors l'encerclement de la villa par la police. C'est vraiment au fond tout à fait ça. Voilà. Alors c'est un album qui est aujourd'hui un des classiques. Ah. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu le côté génial du récit. Oula. Ça, c'est-à-dire qu'au fond... Je m'excuse de vous interrompre. Moi, je voudrais juste dire une fois. Je vous ai parlé de cette minutie et de cette conscience professionnelle qu'avait Jacobs. Hein. Eh bien, ça n'est donc absolument pas étonnant que les médias aient fait un sort à ce qui a été, enfin, à propos de la Grande Pyramide, ou qui a inspiré, en tout cas, c'est les deux architectes d'Arras, qui ont simplement, partant d'un des dessins de Jacobs, et trouvé une anomalie qui ne pouvait pas imputer aux architectes qui avaient fait les pyramides quand même, qui n'étaient pas des idiots, et ils se sont dit, y a quelque chose là qu'il faut approfondir, etc. Je laisse le soin de commenter l'aventure à Philippe, mais en fait, ceci vous prouve que combien cet homme prenait soin de chercher une documentation extrêmement précise. Le récit est à la fois très simple et très compliqué. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut peut-être dire au début que la seule personne, au point de vue spécialiste en Égypte ancienne, qui encourageait donc Jacob dans cette voie, c'était le professeur Gilbert, qui était donc de la Fondation Reine Elisabeth. Et entre autres, a fait un faux manuscrit qui est reproduit, oui, à la fin de l'album. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire, Jacob, c'était un peu mystificateur. Donc, il a mélangé le vrai et le faux, et tout le monde a cru... Il a mystifié énormément de lecteurs. Oui. Donc, les égyptologues, en général, ont critiqué Jacob et n'ont pas fort apprécié l'histoire, en disant qu'on avait tout trouvé, que c'était impossible, c'est ça. Et qu'en réalité, moi, j'ai eu les plans, l'année passée, de ces fameux passages qu'il y a entre le Sphinx et la Grande Pyramide. Donc ça existe, mais seulement on ne fait rien pour montrer ça au public, ni faire les recherches. Mais seulement j'ai trouvé les plans, donc chez des amis qui m'ont montré ça. C'est assez amusant. C'était Jean Blic et Hérodote qui avaient parlé et Jacob s'était inspiré donc de ces textes. Et donc l'histoire, au fond, c'est... Mortimer qui arrive au Caire et qui retrouve un ami, et il lui montre des papyrus, donc, et ainsi qu'une pierre qui est une pure invention, mais qui, il y a même des gens, des touristes qui ont été au musée du Caire pour demander où était cette pierre, et le gardien, ne voulant pas paraître idiot, a dit « Ah, elle est en restauration ». Donc, tellement qu'il avait mystifié les gens, que c'était vraiment très bien fait. Et alors, l'histoire, donc, on découvre qu'il y a tout un réseau qui existe et qui toujours, il y a toujours des ventes de pièces et tout un trafic d'antiquités. Et au fond, c'est Ulrich qui est à la tête de ce réseau. Et Mortimer, découvrant donc tous ces problèmes, fait appel à Blake. Et Blake, sur son chemin, se fait, entre parenthèses, assassiner, mais il fait croire qu'il est assassiné, pour mieux mener son enquête. Et à la fin, donc, il y a toutes sortes d'intrigues qu'il vaut mieux lire que de raconter. Et pour finir, il y a tout un mystère donc, qui se passe dans la pyramide. Je cherche la page. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour la précision, c'est qu'il avait reçu de l'hôtel Menaos au Béroi, qui était l'ancien palais de l'impératrice Eugénie, au pied donc, de la pyramide de Khéops. Il s'était installé là, Mortimer, et pour donc être plus près du lieu. Et ainsi, donc, il découvre une multitude d'enquêtes, il se retrouve donc dans la pyramide de Khéops, où il y a le trésor donc d'Akhnaton, ce fameux roi qui a été oublié et qui actuellement on en parle beaucoup, mais avant on l'ignorait tout à fait. Il a même été enlevé, il y avait trois pharaons qui ont été rayés, c'est-à-dire Akhnaton, Toutankhamon et Hatshepsout. Il est certain que le secret de la Grande Pyramide a été à l'origine, en tout cas, d'une technique tout à fait nouvelle qui fait qu'avec certains instruments, on peut approcher sans les détruire les monuments anciens et qui permettent de savoir si on est enfin d'un plein ou d'un creux. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que ça permet quand même de prospecter ou de faire des fouilles dans un sens beaucoup plus intelligent et beaucoup moins aveugle qu'on ne le faisait autrefois. Et ça, on le doit justement au ministère de la Grande Pyramide. L'album que je préfère, c'est La Marque Jaune. Bon, La Marque Jaune va nous renvoyer à tous ces récits londoniens, mystérieux, etc. Bon, Sherlock Holmes et compagnie, on peut citer énormément d'exemples. Jacques Tardy. Mais, bon, on a le cas archi-classique, je veux dire, Jacobs ne l'a pas inventé, d'une série de meurtres qui sont commis avec le meurtrier qui laisse sa trace, qui laisse sa petite carte de visite. En soi, ça n'a rien d'original. Bon. Mais chez Jacobs, ça prend une dimension particulière parce qu'il y a cette espèce de graphisme de la marque jaune, etc., qui est très impressionnant. La façon dont il va présenter une série d'interventions de la marque jaune et puis les motivations. On va apprendre que ce qu'on appelle la marque jaune, etc., n'est qu'un pauvre type qui, en fait, est Ulrich, etc., manipulé. Bon, l'histoire va, au fil et à mesure de la progression, se compliquer. On va se rendre compte que sous ce personnage, dont on fait dans un premier temps la connaissance à plusieurs reprises, se trouve Septimus qui manipule et tout. On est, bon, c'est le pantin, etc. Mais on est au niveau quand même des poncifs. Mais ce qui nous intéresse, c'est la progression, c'est la façon dont on va avoir dans un premier temps, deuxième temps, etc., connaissance des méfaits de ce qu'on va appeler la marque jaune et ensuite ce qu'il y a dessous. Mais ce qui est important, c'est pas ça, parce que ça a déjà été raconté 10 000 fois. C'est la façon dont Jacobs réutilise tout ça, va changer complètement les motivations de ce manipulateur scientifico, je ne sais quoi, qu'est Septimus, dans un but de finalement de rétablir une injustice qui lui a été faite, que justice lui soit rendue, etc., et qui va d'imposture en imposture se manifester par l'intermédiaire d'un pauvre type qui n'est autre que l'ennemi mortel de Blake et Mortimer. C'est-à-dire que la façon dont tout ça est imbriqué est à la fois compliqué et très clair au niveau de la lecture pour des enfants, des adolescents, parce que c'était quand même le public auquel s'adressait Jacobs dans un magazine comme Tintin. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, c'est cette façon de mettre en place les choses, les personnages et de raconter. Bon, et une des influences qui pour moi a été la plus importante, et ça je m'en suis pas rendu compte dès la marque jaune parce que je n'avais pas la possibilité de vérifier, c'était l'importance des lieux, hein. Cette importance photographique, le fait d'aller sur place, cette reproduction précise des lieux. Alors ça, je l'ai vérifié avec SOS Météor qui se passait à Paris, c'était plus facile pour moi à l'époque. L'angle de la rue de Vaugirard, la rue Bonaparte, etc., où habite je ne sais quel personnage. Bon, alors ça m'avait séduit. Alors ce que j'ai remarqué au niveau du graphisme, c'est que même si Jacobs reproduisait fidèlement ces lieux, donc je pense qu'il allait faire des photos, etc., il intervenait graphiquement, c'est-à-dire que son dessin ne pouvait pas être attribué à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que son intervention, même si elle n'apparaissait pas vraiment dans un premier temps comme une intervention vraiment calculée de sa part pour marquer son territoire, sa personnalité, malgré tout, on ne pouvait pas attribuer un dessin de Jacobs à aucun autre dessinateur. Lorsque nous étions venus nous installer à la campagne, et pour notre premier hiver, on a eu un hiver absolument rigoureux, épouvantable. On ne pouvait pas se déplacer sur les routes, c'était suicidaire, enfin, de pouvoir. Et on voyait de grands cyprès de 20 mètres de haut gelés en une nuit, complètement roussis par le gel. Alors, c'est dans cette ambiance, nous étions prisonniers vraiment des glaces ici. On n'avait plus d'eau. Il fallait faire fondre la neige pour avoir de l'eau pour le nettoyage, la toilette, etc. À la fin, c'est la commune qui a dû nous ravitailler. Mais c'est dans cette ambiance-là qu'on suivait la presse et la radio, la télévision, qui parlaient donc de phénomènes extraordinaires, absolument anormaux au point de vue météo. Dans le monde entier, il y avait des étés trop brûlants, des hivers trop rudes. Il y avait donc de véritables catastrophes un petit peu partout. Et ça m'a donné l'idée, donc, comme je me rappelais qu'en même temps, à cette époque-là, les Américains et les Russes faisaient des expériences pour décider du climat. Des expériences très poussées, d'ailleurs. Ça m'a donné l'idée donc de faire une histoire sur donc un moyen de changer le climat. Jean-Marc Guyard, il y a une sorte de volonté de repérage dans l'œuvre de Jacobs que certains Parisiens ont pu vérifier à partir de SOS Météor. Alors je pense que vous avez fait ce périple dans Paris et dans la banlieue de Paris. Oui, en effet, SOS Météor, déjà au début, en 1957-1958, Jacobs à ce moment-là préparait donc SOS Météor. Il a fait un repérage de très grande envergure du côté de Jouy-en-Josas, de Buc, près de l'aéroport de Toussy-le-Noble. Mais ce n'est pas sur ce point que je souhaite intervenir particulièrement, mais dans le sens où un de ses meilleurs repérages, certainement, et qui est encore plus parisien que le précédent, c'est celui de l'affaire du Collier. Alors l'affaire du Collier, je vais résumer brièvement l'intrigue, et se passe dans le 16e arrondissement. Il s'agit d'un collectionneur de bijoux qui s'appelle Henry Williamson, un Anglais, qui met la main sur les fameux colliers de la reine Marie-Antoinette, qui avait disparu. Et un joaillier, Duranton Claret, s'occupe de la restauration de ce collier. Alors, Blake et Mortimer arrivent par l'aéroport d'Orly à l'occasion de pour venir à l'audition du procès d'Olric, qui a été emprisonné justement à la fin des SOS Météor. Et juste au moment où ils arrivent sur le boulevard du Port-Royal, ils rencontrent le commissaire Pradier, qui est à la tête de Jean Gabin, bien connu dans les œuvres de Jacobs, commissaire parisien, et un quart de police est arrêté, et on apprend à cette occasion que Olric a réussi à s'évader, très probablement dès le départ, par une plaque d'égout Et c'est vraiment le centre d'intérêt de Jacobs, bien sûr, de développer le thème du souterrain que l'on retrouve à travers toute son œuvre, que ce soit dans l'Espadon, dans l'énigme de l'Atlantide, évidemment en plongeant au cœur, au sein même de la Grande Pyramide. Et là, il s'agit des égouts parisiens, des carrières et des catacombes, comme on va le voir. Blake et Mortimer sont à ce moment précis invités à la présentation du collier devant la presse au cours d'un cocktail qui a lieu rue Renoir dans le 16e arrondissement, c'est-à-dire à Passy, sur les hauteurs de Passy qui dominent la Seine, qui est parallèle à la Seine et qui se trouve près de la maison de la RTF à l'époque, qui venait juste d'être construite en 1963 sur les plans de l'architecte Henri Bernard. Et à ce moment-là, il y a une interruption, une coupure de courant et un effondrement dans le sous-sol de l'hôtel de la rue Renoir, qui doit se situer aux environs du 45 rue Renoir. Actuellement, cet hôtel a disparu. Jacobs a d'ailleurs fait, comme il le fait souvent, c'est-à-dire par un souci de réalisme, donc repérage dans cette rue, mais aussi l'hôtel est lui-même un amalgame d'hôtels qui existent près de l'avenue Louise, dans le quartier Louise à Bruxelles, pour l'intérieur et pour l'extérieur. Il s'agit bien de cet hôtel qui aujourd'hui a disparu rue Renoir. Donc l'intrigue se situe près de la maison de la RTF, qui allait devenir d'ailleurs au cours de ce repérage l'ORTF en 64, si je ne m'abuse. Et justement, je le signale parce que on peut très bien le voir, c'est daté dans l'ouvrage, dans la mesure où dans la première partie, Jacobs parle de la RTF, et à la fin de l'intrigue, donc une année, ça a dû se passer durant laquelle il a travaillé, et où il parle de l'ORTF. Bon. Alors, rue Renoir, durant ce cocktail en soirée, il y a donc un effondrement des sous-sols de la rue Renoir. Duranton est allé chercher dans un coffre-fort le collier de la reine. Malheureusement, avec ses éboulements, on le retrouve inanimé et Blake et Mortimer immédiatement partent à travers les eaux, la fumée, les souterrains en complet débris, partent à la recherche du coffret qui se trouve dans le coffre-fort qui, semble-t-il, a été ouvert. Mortimer ramène le coffret et, à la grande stupéfaction de tout le monde, le coffret est vide, naturellement. Et on trouve à l'intérieur de ce coffret une note d'Olric qui s'est échappée dans la journée et qui lance un défi à ses vieux complices et ennemis Blake et Mortimer. Alors là, s'ensuit, je ne vais pas raconter toute l'histoire, s'ensuit une course-poursuite qui est un des thèmes favoris d'Edgar Pierre Jacobs. Course-poursuite à l'extérieur, c'est-à-dire à l'air libre, course-poursuite dans les souterrains également. Alors l'essentiel de l'intrigue se passe donc, démarre dans le 16e arrondissement, comme je viens de le dire. Duranton Claret, le joaillier, s'évade, ou plus exactement s'en va par le bas de la maison sur le côté de la Seine, c'est-à-dire par la petite rue Berton, qui est une rue extraordinaire, c'est-à-dire une rue qui est encore le témoin, même aujourd'hui en 1987, du Passy petit village, avec deux grands murs de chaque côté, la maison de Balzac vers le côté de la butte de Passy, la maison de la princesse de Lamballe qui aujourd'hui est l'ambassade de Turquie sur le côté droit, côté vers la Seine. Duranton va prendre sa voiture, sa DS, du côté de la rue Marcel Proust qui se trouve juste à côté de la rue Berton, donc tout ça en contrebas de l'hôtel de la rue Renoir. Mais il sera poursuivi par Pradier et ses hommes. Et ce qu'il ignorait, c'est que Charquet, vieil ennemi aussi de Blake et Mortimer que l'on a connu dans la Grande Pyramide se trouvait dans sa voiture. Et il s'en suit une course-poursuite incroyable. La voiture prend des embardées et continue sur le quai Kennedy, franchit le pont Bir Hakeim, continue vers la station du Bir Hakeim, duplex, et arrive à Sèvres-le-Courbe. À Sèvres-le-Courbe, ils franchissent le viaduc du métro, tournent braque à gauche et vont par la rue de Sèvres, à la rue de Sèvres, station du Roc, à ce moment-là. Ils prennent le boulevard du Montparnasse. Le boulevard du Montparnasse, Duranton continue. Et vraisemblablement, on pense à ce moment-là qu'il veut s'échapper et aller vers Orly. Prendre un avion pour gagner un pays étranger. Et finalement, il poursuit par le boulevard Raspail et prend la rue du parc de Montsouris, qui aujourd'hui d'ailleurs, que ceux qui voudraient refaire le repérage de Jacobs aujourd'hui, ne pourraient pas retrouver puisqu'elle a été débaptisée et s'appelle aujourd'hui la rue du président Coty. Et alors, Duranton a un accident au bout de cette rue, juste avant le parc Montsouris. La voiture heurte une fontaine Wallace. Très curieusement, lorsque j'ai fait le repérage, j'ai voulu retrouver cette fontaine qui ne s'y trouvait pas. Mais à l'endroit du choc de la voiture, on peut voir, et c'est une anecdote assez savoureuse, dans la mesure où au sol, il y a les traces de cette fontaine, comme s'il y avait eu un accident, et la fontaine est reconstruite, ou on peut la supposer reconstruite en tout cas, à 5 ou 6 mètres plus loin du côté du parc Montsouris. Mais alors, d'autre part, à cet endroit-là, le joaillier Duranton va cacher les bijoux de la reine dans un petit manège du parc Montsouris. Alors, l'intrigue se passe également, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, dans les catacombes. Les catacombes qui se trouvent place d'Enfer Rochereau, où il y a le fameux lion bien célèbre, que justement Tardy remet dans ses histoires, les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Et chose curieuse, Tardy ne se limite pas au lion d'enfer, mais la course-poursuite de Blake et Mortimer derrière la voiture de Duranton est reprise à titre de clin d'œil dans un de ses livres qui s'intitule Le savant fou. Aux carrières, à l'entrée des catacombes, c'est-à-dire dans des petits pavillons d'octroi de l'ancienne porte de d'enfer, j'ai rencontré aussi, j'avais le livre ouvert à mon appareil photo et j'essayais de retrouver les angles de vue pour exactement retrouver l'endroit, le découpage et le cadrage exact de Jacobs. Et curieusement, le guide m'a immédiatement accosté et m'a dit « Ah, mais nous connaissons bien ce livre ». Il faut dire qu'à ce moment-là, ça devait être en 1983 et que le repérage de Jacobs se passait 20 ans exactement plus tôt. Alors il m'a raconté à cette occasion que tous les personnages qu'on peut voir, le guide, l'architecte, l'ingénieur des mines, tous ces gens-là avaient des visages de personnes ayant réellement existé à l'époque. Jacob avait descendu les 90 marches menant aux catacombes, avait fait un repérage très précis de ces galeries dans lesquelles par la suite Olrich, Duranton, tout le monde va se perdre plus ou moins. L'intrigue se passe également à un autre point de Paris, dans le 5e arrondissement, aux alentours dans le quartier de la Mouffe, la rue Monge, la rue Mouffetard, et le passage des Patriarches et le passage des Postes. Là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que vraiment, c'est la petite maison qui est la sortie du souterrain où se trouve le repère d'Olrich. Existe vraiment avec sa petite cour et c'est un cachet extraordinaire, rien n'a bougé, les grilles sont tout aussi déglinguées qu'à l'époque et malheureusement c'est en passe ou c'est peut-être déjà, là je ne sais pas parce que ça fait 3 ans à peu près que j'y suis allé pour la dernière fois, est en passe certainement d'être détruit. En tout cas, le passage des Patriarches est déjà très nettement détruit. Alors il est extrêmement difficile de s'y retrouver. C'est là que tout se passe. Alors Jacobs avait été inspiré par ces souterrains, naturellement, parce que ça fait rêver. Je crois qu'il y a 300 km de galeries sous Paris. Et en tout cas, les galeries vont d'enfer au parc Montsouris à la rue Monge, ça sans problème. Beaucoup de Parisiens ont pu, à l'occasion, faire quelques enquêtes dans ces souterrains, les carrières étant interdites, mais enfin, on peut y aller le soir, parce qu'il y a des entrées du côté du train de ceinture. Jacobs ne se contente pas de reproduire et de calquer des photos qu'il a prises. On s'aperçoit qu'il est impossible, finalement, avec un appareil photo, de reprendre exactement ce qu'il a traduit en image. Pourquoi ? Parce qu'il simplifie le trait au maximum, il en fait un dessin à plat. Il travaille essentiellement avec la couleur, le climat, l'atmosphère qu'il crée de façon expressionniste. Jacobs était très impressionné par le courant du cinéma expressionniste de l'entre-deux-guerres, les éclairages, les cadrages, le jeu de lumière. Et dans cette histoire, il arrive justement à renouveler les jeux de couleurs qu'il avait déjà largement déblayés. Il avait, au début des années 40, il avait aidé Hergé, qu'il avait connu le 15 avril 1941. Il avait travaillé avec lui du 1er janvier 1944, pendant 3 ans et 1 mois très exactement. Il a fini en 1947, tout début de 1947, mais à cette occasion, il lui avait appris en gros le maniement de la couleur. Et dans l'affaire du collier, il essaye encore de trouver d'autres gammes, d'autres positions de ton, finalement très originales. Ce que je retiens de Jacob sont les personnages, la façon de raconter, le graphisme, etc. Jacques Tardy. Bon, puis en plus de ça, le dernier album est sorti il y a plus de 10 ans. Donc il y a un décalage par rapport aux problèmes qui étaient posés à une époque, la façon dont on les transposait, la façon dont on pouvait spéculer à partir d'un fait scientifique qui s'avère vrai maintenant. Enfin, je veux dire, on retombe dans l'éternel problème de Jules Verne qui avait tout prévu, tout inventé, etc. Bon, c'est le problème de l'imagination et de la façon dont on va, à partir d'une information, à partir d'une image vue à la télévision, à partir d'un entrefilet quelconque, soit bâtir une intrigue policière ou une spéculation scientifique quelconque. Jacobs n'a pas inventé ça. C'est pas là que je situe le plus important de son travail. Mais quand tout à l'heure je en voulant parler de repérage photographique, j'employais le mot cinématographique. C'est un lapsus, mais c'est aussi le fait que actuellement on rapproche énormément bande dessinée et cinéma. Alors, je sais qu'il y a un projet d'adaptation de La Marque Jaune au cinéma. J'espère que ça sera formidable et tout. Pour l'instant, nous n'avons pas d'exemple réussi. Beaucoup de dessinateurs lorgnent du côté du cinéma, voudraient réaliser des films. Il faut voir que le travail de dessinateur, le travail de réalisateur sont deux choses totalement différentes. Mais ça nous ramène à une idée, c'est que quand on fait de la bande dessinée, on n'est pas du tout limité. Hein, Jacob, ça fait exploser des forteresses bâties en mer, dans le détroit d'Ormuz, etc. Il a inventé des appareils fantastiques. Il a choses absolument irréalisables au cinéma. Bon, on peut avoir les effets, tous les effets spéciaux possibles et imaginables. Le réalisme, l'hyper-réalisme de l'image cinématographique, à mon avis, est très très faible, même si elle est plus efficace dans un premier temps, utilisant le son, etc., est très très faible par rapport à cette espèce d'expressionnisme qu'amène en permanence l'image dessinée. Et ça, Jacob, ça a en permanence utilisé toutes les ressources, à mon avis, de l'image expressionniste, avec ce qu'elle peut donner de plus fort. Il s'est souvent référé à Fritz Lang, à l'opéra, etc., aux ombres portées, avec tout ce qu'on peut apporter en plus à l'image dessinée pour la rendre encore plus forte que le cinéma peut faire, mais malgré tout, l'image cinématographique est fugitive. Tout ça peut être modifié actuellement par l'utilisation du magnétoscope et le fait qu'on puisse revenir en arrière, faire des arrêts sur image, etc. Mais à mon avis, l'image papier, éternellement imprimée, gravée, là, à laquelle on peut se référer en permanence, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être une illustration, ça peut être une couverture de livre, mais quand c'est mis au service d'un récit avec des images qui se succèdent, qu'on va appeler bande dessinée, avec intervention d'un texte, je trouve qu'on ne peut pas trouver de meilleure utilisation que cette image expressionniste que chez Jacobs. C'est-à-dire que je sens que chez Jacobs, il n'y a pas ce que je ressens moi vraiment, c'est qu'il n'y a pas de virtuosité, il n'y a pas d'envie de se mettre en avant au niveau graphique, mais c'est son utilisation telle que je la perçois. J'ai du mal à l'exprimer parce que c'est à la fois un jugement de dessinateur, d'observateur, etc. C'est l'efficacité. Mais c'est pas une efficacité froide comme ça, c'est une efficacité qui en même temps reste graphique, le dessin n'est pas laid, mais à aucun moment la virtuosité, l'esthétisme ne rentre véritablement en ligne de compte, parce que je pense que l'esthétisme quelque part masque des faiblesses. On rajoute des petites fleurs un petit peu partout, on tire les ficelles, on peut utiliser tel ou tel effet. Quelque part, ça met assez suspect parce que ça marque, c'est vraiment pour masquer des faiblesses. On n'a pas ça chez Jacobs. Alors, son image, la perception qu'on peut avoir de son image est à la fois simple, parce qu'on dit oui, il fait ça comme ça, c'est une perception au premier degré très très simple qu'on peut avoir, qui en fait est très élaborée. Alors ça va amener aussi toute une pléiade de suiveurs, n'est-ce pas, qu'on qualifiera tout simplement de plagiaires, parce que je pense que c'est le terme exact, qui vont ne percevoir que l'aspect extérieur, c'est-à-dire que uniquement ce qui est le plus séduisant, sans en comprendre les mécanismes. Moi, j'avoue avoir été très influencé par Jacobs. J'espère ne pas faire partie de ces plagiaires. C'est pas à moi de le dire, ça. J'ai retenu l'importance du repérage photo, etc., des lieux. D'ailleurs, ce sont bien souvent les lieux qui vont me donner le point de départ d'une histoire, beaucoup plus que les personnages. Chez Jacobs, il y a les deux, les personnages, les lieux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la facilité peut être dans cette espèce de côté extérieur de son trait. Mais chez Jacobs, il y a une espèce de profondeur qui passe au niveau du graphisme et la façon de retraduire tout ça, d'interpréter et de transposer. Et c'est ce que je retiens chez lui. Ça me fait 60 ans de travail alimentaire, mais 40 ans de bande dessinée, rien que pour la bande dessinée. Alors, si on fait le bilan, bof. Ce qui est sûr, c'est que le facétieux scénariste qui préside à ma destinée m'a eu à l'usure. Parce que vraiment, je ne voulais pas faire du dessin, Et la bande ciné m'était inconnue au moment où je l'ai abordée. Enfin. Et, mais bon gré, mal gré, j'ai dû m'adapter à son script. Et je dois reconnaître que le rôle qui m'a finalement assigné aurait pu être pire. Parce que, en somme, grâce à ce métier, il m'aura été accordé ce rare privilège d'être à la fois l'auteur, l'interprète et le metteur en scène de mon opéra de papier. Edgar P. Jacobs, un opéra de papier par Jean Dève, réalisation Jean Couturier, première partie. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er août 1987. Le dernier tome des aventures de Black et Mortimer, La malédiction des 30 deniers, scénario Jean Van Ham, dessin René Stern et Chantal de Spiegler, est publié aux éditions Black et Mortimer. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, deuxième volet.